Atomes. Dans la lumière orangée d'atomes qui décline, le gigantesque monolithe est encore plus impressionnant que lors de notre dernière visite au petit matin. Près de 4 mètres de haut sur un bon mètre de large, une section ovale d'une soixantaine de centimètres d'épaisseur. Tel le doigt d'un géant, le bloc de roche pointe vers le ciel et projette son ombre immense dans l'axe du fleuve qui coule en contrebas. Nathalie et moi en avons beaucoup reparlé. Comment un tel bloc de granit a-t-il pu être érigé à cet endroit, il y a sans doute des millénaires, alors qu'il n'y a pas la moindre trace géologique de roches éruptives à des centaines de kilomètres à la ronde. Cependant, le plus extraordinaire se trouve derrière la pierre dressée, là où, pressé par le temps, je n'avais pas songé à amener Nathalie la dernière fois. Je n'ai toujours pas lâché sa main. Et lorsque nous contournons le bloc, au vu de ce qu'elle découvre, elle pousse un petit cri de stupéfaction. Couché au sol comme un gigantesque animal endormi depuis des siècles, le jumeau du bloc dressé que nous venons de contourner est orienté plein ouest, là où Ray, devenu Atum, disparaîtra dans un moment. Les deux blocs, l'un vertical, l'autre horizontal, sont dans un alignement parfait. À bien observer l'ensemble, et si l'on pouvait distinguer lequel est le plus court, on pourrait voir les aiguilles d'une immense horloge indiquant midi ou minuit et quart, à moins que ce ne soit 3 ou 15 heures. Le visage de Nathalie est encore marqué par la surprise et l'émerveillement, les lettres entr'ouvertes sur un O muet, les yeux brillants de la magie du moment. On dirait une enfant devant un sapin de Noël, mais je veux lui en montrer davantage. Je pose mon sac à dos au sol et en sors bidon d'eau et chiffon. Le bloc couché est recouvert d'une épaisse couche de poussière rougeâtre que j'entreprends de nettoyer. Je l'arrose copieusement et m'emploie à laver la pierre avec une poignée de chiffon aussitôt secondée par Nathalie qui s'agenouille à côté de moi. Ce qui nous apparaît très vite est la différence de texture. Ce bloc est pourtant de la même origine que son jumeau dressé. On retrouve la même couleur grise et la même cristallisation très fine, sauf qu'ici la pierre a été polie en son milieu sur près de 2 mètres. Nathalie, qui justement nettoie cette zone, me le fait remarquer. « Tu as vu ? C'est aussi lisse qu'un miroir, et seulement à cet endroit. C'est vraiment étrange. Pourquoi cette concavité ?» Elle a raison. Ces blocs ne sont pas tombés du ciel, et avec ce détail supplémentaire, on ne peut y voir que la main de l'homme. En son centre, le poli de la concavité est d'une finesse exceptionnelle, alors qu'au fur et à mesure que l'on se rapproche des bords, la rugosité augmente. Perplexe, je me gratte la barbe. On dirait qu'à l'origine, les deux monolithes étaient identiques et qu'au fil des siècles, un usage sacrificiel a provoqué ce polissage incurbé au milieu du bloc horizontal. Un léger filet d'eau et un dernier coup de chiffon, Nathalie achève de nettoyer la pierre. Pour obtenir un poli pareil, je dirais même des milliers d'années. Peut-être est-ce tout simplement des lavages répétés comme celui que nous venons de faire. J'ai déjà vu ce phénomène. Je la regarde, intriguée. Ah bon ? Où ça ? En Irlande. Des tables de pierre qui servaient d'hôtel aux anciens druides. Régulièrement nettoyées, elles ont fini par se creuser, comme celle-ci. Elle rit. Certains disent même que les elfes venaient y faire l'amour, et que c'est très certainement le frottement de leur corps qui a creusé la pierre. Mais je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je lis dans les yeux de Nathalie que nous pensons exactement à la même chose au même moment. Se pourra-t-il que depuis la nuit des temps, cette pierre, pourtant si dure, ait été usée, polie par les étreintes de milliers d'amants? Je tends la main pour débarrasser Nathalie de son chiffon et nos doigts se frôlent. Y aurait-il eu une étincelle que je n'en aurais pas été étonné, tant la décharge électrique qui me parcourt le corps est intense. Malgré la chaleur encore présente, Nathalie frissonne. Sa peau se hérisse. Elle vient d'éprouver la même chose que moi. Le petit sachet de poudre orange se rappelle un autre bon souvenir. Ses grands yeux bleus rivés aux miens, Nathalie se lève. D'un geste, d'une lenteur infinie, elle fait glisser les fines bretelles de sa robe sur ses épaules et la fraction de seconde d'après, elle est nue. À ses pieds, le tissu blanc fait comme une corolle. Elle est nue dans le soleil couchant, si belle que j'en reste figé, sans voix. Une vague d'émotion me submerge en même temps que le désir me noue le ventre. Sous les derniers feux du soleil, le blond cendré de sa chevelure et le duvet d'or de son pubis s'allument de reflets cuivrés. Sa peau irradie une lumière dorée, on la dirait faite de feuilles de flamme. La tête inclinée sur l'épaule, elle me tend les mains. Son regard et son sourire sont déjà des caresses. Tu as l'intention de me laisser longtemps comme ça. Je me sens un peu seul. Je ne sais pas comment je fais pour me déshabiller si vite, sans m'étaler de tout mon long, lorsque je me prends les pieds dans mon pantalon. Je me sens tout à coup un peu ridicule, mais cette impression est vite effacée lorsque je croise le regard étonné de Nathalie. Mon Dieu, je ne t'ai jamais vu dans un tel état. Cette poudre est diabolique. Ce n'est pas douloureux. Je n'ai pas le temps de lui répondre, elle se plaque contre moi et avant de prendre ma bouche, me murmure à l'oreille. D'une certaine manière, je ne dois pas avoir grand-chose à t'envier. C'est clairement une invitation à laquelle je ne saurais me dérober. Et tandis que je mange passionnément ses lèvres, mes doigts confirment sa sensation. Nat est en phase éruptive. Elle a gardé mon autre main dans la sienne, la porte à ses lèvres, puis doucement, avec d'infinies précautions, la pose sur ses seins. Ses tétons n'ont jamais été aussi gros. Le sein tout entier est dur et gonflé, et je ne sais laquelle de mes mains l'a fait frémir. Viens. Elle se dégage doucement de mon étreinte et m'entraîne vers l'autel de pierre. Son sourire et son regard sont si lumineux que je me sens fondre. Avec des gestes d'une douceur exquise, elle me fait allonger sur la pierre lisse et chaude et sans préliminaire, sans me quitter les yeux, elle me chevauche. Ses doigts me prennent et me guident en elle. Jesus Lord, it's so hot. Puis, sans transition en gaélique, Tierna benaig arnagra benaig arhondas argumjatai agus arnahmesha lesangrean. Seigneur, bénissez notre amour, bénissez l'union de nos corps et de nos âmes avec le soleil. La sensation est si forte qu'elle passe de l'anglais au gaélique sans même s'en rendre compte. Je la prends par les épaules et la fais se pencher sur moi. Tu es brûlante comme l'enfer. Le masque du désir est sur son visage. Sans aucune pudeur, elle s'ouvre au soleil, s'offrant aux rayons de l'astre qui achève sa descente vers l'horizon. Elle me donne un baiser si doux qu'il ne laisse en rien présager la fureur qui va se déchaîner. Prenant appui des deux mains sur mes épaules, elle entame sa chevauchée. La bouche grande ouverte, comme si elle allait manquer d'air, elle reste de longues secondes en apnée, puis, sans qu'un gémissement l'ait annoncé, un hurlement rauque, presque un rugissement sort de sa gorge. L'esprit du léopard est en elle. Or, mes mains qui alternent caressent sur ses seins et ses hanches, mon corps est strictement immobile, soumis à la houle puissante de son bassin. Le soleil est encore descendu sur l'horizon et ses derniers rayons viennent mordre nos sexes imbriqués. Cette chaude caresse achève de faire perdre à Nathalie le peu de raison qui lui restait. Elle devient comme folle. Sa tête tourne de droite à gauche et elle se mord les lèvres à s'en faire saigner. Je n'ai jamais vu Nathalie faire l'amour de cette façon. On dirait qu'elle veut m'aspirer tout entier et que de mon côté je cherche à l'ouvrir comme on fend une bûche. Puis elle s'allonge sur moi et seul son bassin continue d'onduler alors que ses seins s'écrasent sur ma poitrine et qu'elle me mord l'épaule. Une boule de feu dans mon ventre et dans mes reins. Elle a senti mes spasmes. « Don't stop, please, don't stop !» Je ne sais si la magie de sa voix y est pour quelque chose, mais je ne rends pas les armes. « Oh my God, oh Jesus !» Elle crie, elle gémit, relève son buste pour de nouveau l'écraser sur moi. Pas un instant, elle ne ralentit. Elle a déjà joui je ne sais combien de fois. Quand de nouveau, le monde explose. Nous n'avons strictement rien vu du coucher de soleil, et je n'ai aucune idée de l'heure qu'il peut être. La seule chose que je sais est qu'il y a déjà bien longtemps qu'il fait nuit noire. C'est tout juste si je distingue la tache claire du corps de Nathalie blottie contre moi. Elle mordit le lobe de mon oreille et me souffle. Je ne sais pas toi, mais je commence à avoir mal aux côtes. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais l'amour sur un vestige paolithique, je suis sûr que je suis pleine de bleu. Je caresse doucement ses lèvres avec mon pouce. Ce n'est pas tant aux côtes que j'ai mal. J'ai l'impression d'être à vif. Elle émet un son exprimant la consternation. Oh, et moi qui croyais que nous allions rentrer pour reprendre cette conversation dans un vrai lit. Mon silence est sans doute plus éloquent et ce que j'entends ressemble fort à un fou rire. Je plaisantais. Je suis dans le même état que toi. Ça chauffe tellement que j'ai l'impression d'avoir chevauché tous les démons de l'enfer. Oh, parce que tu as déjà chevauché un démon. En tout cas, aucun qui ne te soit comparable. Tu m'as fait voir 10 000 soleils. Elle ne peut voir mon sourire, ce qui par nuit noire est un véritable exploit. Ses doigts m'effleurent à peine et je ne peux réprimer un tressaillement. Désolé, il va falloir attendre un peu, c'est encore trop sensible. Elle retire sa main. Ce n'est pas un problème. Je suis tout aussi heureuse d'être blottie dans tes bras que lorsque tu me fais l'amour. Elle marque un temps comme si elle réfléchissait. Cette poudre est diabolique. On perd totalement le contrôle et le besoin est si violent que je crois bien que n'importe quelle femme serait capable d'accepter les avances d'un parfait inconnu. Je suis persuadé que le principe actif de cette substance agit non seulement comme excitant, mais surtout comme désinhibiteur. On redevient la femelle des premiers âges qui éprouve le besoin impérieux d'être saillie. Je ne pense pas que la fraîcheur de la nuit qui s'installe y soit pour quelque chose, mais je toussote à plusieurs reprises. Tu es en train de me dire que si tu prenais cette poudre et que je n'étais pas là, tu sauterais sur le premier malvenu. Je ne sais pas si ce que j'entends est un rire ou un gros soupir. Je n'ai pas dit que je le ferais, j'ai seulement dit que j'en éprouverais un besoin impérieux. Je crois bon de préciser, je crois que j'avais compris. Par définition, impérieux signifie auquel on ne peut résister. Donc, ne pouvant y résister, tu succombes. Elle me serre très fort dans ses bras, son corps est doux et chaud contre le mien. Je succomberai peut-être, mais à une seule condition. Hein ? Laquelle ? Que, comme avec Gabriel, tu sois près de moi. Avec Gabriel, j'ai pour une envie impérieuse, à laquelle je suis très heureuse d'avoir succombé. Mais rien ne se serait passé sans toi, sans ton amour. Elle se redresse brusquement et s'assied. Oh Seigneur ! Je n'aurais dû jamais parler de ça. Rien que d'y penser, j'ai de nouveau envie. C'est comme approcher une allumette d'un bidon d'essence. Elle se lève d'une seule détente. Allez, on va. Elle n'achève pas sa phrase. Oh zut ! Alarmée, je demande. Qu'a-t-il ? Je l'entends rire. Oh rien. Tu es toujours très généreux, mais là, tu t'es vraiment surpassé. Je farfouille dans mon sac et dans l'obscurité, je lui tends une poignée de chiffons. Pas de souci, ils sont stérilisés. Ils viennent du dispensaire. Ses doigts effleurent les miens. Les chiffons changent de main et je la sens qui s'éloigne de quelques pas. Ne va pas trop loin. Tu pourrais te perdre dans cette obscurité. Tu n'as pas de lampe. Ce serait tout de même plus facile pour retrouver ma robe. J'ai une excellente vision nocturne et sans toutefois y voir vraiment par nuit noire, j'arrive à distinguer les formes de couleur claire. Un instant. Ta robe est avec mes vêtements. Je les vois. Reste où tu es. Ne bouge pas. Je vais les chercher. Je me dirige sans problème vers l'extrémité du monolithe couché, là où nous avons abandonné tous nos vêtements. Il faisait encore jour. Ça y est, je les ai. Je la récupère au passage, lui donne sa robe. Elle est déjà habillée, que j'en suis encore enfilé mon jean. Je marmonne. La prochaine fois, rappelle-moi de mettre un boubou. On sera à égalité. Elle rit. Sans doute l'image qu'elle se fait de moi en boubou. Je ramasse mon sac, prends sa main, et nous entamons la descente du sentier jusqu'au pâtrole. À ce que je perçois de sa démarche, elle n'y voit pas grand-chose, mais elle me laisse la guider en toute confiance. « Tu dois avoir des gènes de félin. Comment fais-tu pour marcher ainsi dans l'obscurité ?»« C'est surtout une technique apprise à l'armée. Il faut regarder de côté, et légèrement plus bas que ce que tu veux voir. Et en plus, j'adore les carottes crues qui sont réputées excellentes pour la vision nocturne. Je dois plutôt avoir des gènes de lapin. » Son rire doit s'entendre à des kilomètres. Elle suffoque. « My God, a rabbit. Fortunately, you don't fuck like him. » « Mon Dieu, un lapin. Heureusement que tu ne baisses pas comme lui. » Elle reprend sa respiration, mais elle a du mal à calmer son fou rire. Elle revient au français avec quelques hoquets. « Excuse-moi. Tu connais ma propension à visualiser. Ce qu'on me dit. Je t'ai imaginé un instant en lapin géant en train de... Oh mon Dieu !» Et la voilà qui repart dans son fou rire. Le problème est que c'est contagieux, et que non seulement je suis pris de la même crise de rire, mais en plus, je me vois tel qu'elle m'a imaginé, un lapin géant en train de lui faire subir les derniers outrages. Je n'en peux plus, et c'est à mon tour de suffoquer, à un point tel que je suis obligé de m'arrêter. J'ai des larmes plein les yeux. Il y a tout de même une pointe d'inquiétude dans sa voix lorsqu'elle me demande « John, est-ce que ça va ?» Heureusement, nous étions à deux pas du pâtrole. J'ouvre sa portière, l'aide à monter, puis m'installe au volant. la lueur du plafonnier, elle réalise à quel point son fou rire a été contagieux. J'en ai encore mal au ventre, mais c'est plus fort que moi, il faut que je remette une couche. La prochaine fois qu'on projettera une sortie en brousse, j'achète un déguisement de lapin. Et c'est reparti. On rit à s'en tenir les côtes, sans nul doute un des effets secondaires et non des moindres du sachet de Sylvie. À travers un brouillard de larmes et entre deux hoquets, j'arrive à mettre en route, puis la concentration nécessaire à la conduite finit par me calmer. Je n'ose cependant regarder Nathalie, de peur que la crise de fou rire ne reprenne. Nous sortons très vite de la petite piste pour emprunter la piste principale. Plus de chaos, elle passe un bras autour de mes épaules. À travers la toile de mon jean, son autre main me cherche. Elle se penche à mon oreille. « Dépêche-toi de rentrer, j'ai trop envie. » Ne sachant plus trop où je me trouve, j'ouvre un œil avec circonspection. Dans la faible lueur du jour qui diffuse entre les doubles rideaux, je distingue Nathalie qui dort paisiblement auprès de moi. On dirait un bébé. Non parce que son visage angélique, paisible et détendu, ne permet pas d'imaginer la furie qu'elle était encore hier soir, mais surtout parce que la position très particulière dans laquelle le sommeil semble l'avoir surprise évoque irrésistiblement le sommeil d'un nouveau-né. À plat ventre, les fesses en l'air, son t-shirt remonté jusqu'en haut des reins, je me demande comment elle peut conserver cette position dans son sommeil. Je me demande jusqu'à ce que j'aperçoive le coussin sous son ventre. Elle est figée, statifiée, telle qu'elle a eu son dernier orgasme. Je me souviens vaguement avoir ensuite basculé sur le côté et m'être endormi d'un seul coup. Elle n'a pas bougé, foudroyée par le sommeil. Le coussin placé sous son ventre est resté en place. J'ai deux options. 1. Essayer de le retirer. 2. Profiter du dispositif pour la réveiller en douceur. Mon état quasi-inflammatoire est tel que je choisis la troisième option, celle de ne surtout pas la réveiller. Il est encore tôt, et comme les mesures sur le terrain sont terminées, je peux encore la laisser dormir pendant une bonne heure. Je m'extrais du lit avec 1000 précautions, récupère prestement short et t-shirt, et me dirige à pas de loup vers la porte. Un dernier regard sur ce charmant tableau, avant de franchir le seuil, et là, je ne peux résister, je reviens sur mes pas, m'accroupis au bord du lit et dépose un petit bisou sur chacune des deux merveilles. Nathalie gémit dans son sommeil. Je me redresse, mais ne peux me résoudre à partir. Elle est si belle, si fragile et si tendre, ainsi offerte, que j'ai envie de rester là, juste pour la regarder dormir. Seulement voilà, au risque de la réveiller, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de la toucher. Il vaut mieux que j'aille dans ma chambre, me doucher, me changer et ensuite m'occuper du petit déjeuner. Il est sûr qu'après le marathon d'hier soir, elle va avoir une faim de loup. La table est dressée, une bonne odeur de café parfume l'air et je termine de cuire le dernier pancake. Un petit grincement de porte et Nathalie entre dans la cuisine. C'est comme si le soleil venait d'en franchir le seuil. Sa crinière blonde est ébouriffée, les yeux encore tout ensommeillés, elle fait un pas, puis deux, et s'étire voluptueusement. Sa pudeur n'y résiste pas, car son t-shirt remonte largement, et sous le mince tissu de coton blanc, ses seins suivent le même mouvement ascensionnel. J'ai tout de même la présence d'esprit d'éteindre sous la poêle avant d'aller vers elle et de la prendre dans mes bras. Elle noue ses mains autour de mon cou et comme un oiseau, me piquant le visage et les lèvres de petits baisers. « Morning, my love. »« Bonjour, mon ange. » Elle rit et se recule un peu. « Je ne crois pas qu'un ange se serait conduit comme moi hier soir. »« Non, il y a des chances et surtout, il n'aurait pas rêvé nos voisins et peut-être même toute la cité. » Son air effaré est du dernier comique. Toute la cité, mon Dieu, j'ai été si bruyante. Et c'est un euphémisme. J'exagère sans doute en disant que tu as réveillé toute la cité, mais les deux Valois sont maintenant certains que la poudre a le même effet sur nous que sur eux. Elle s'assied, déplie sa serviette, et avec l'air le plus naturel du monde, comme si elle commentait le bulletin météo, laisse tomber cette petite phrase. À ce propos, fais-moi penser à en demander d'autres à Sylvie. Je m'apprêtais à lui servir un pancake. Je reste planté là, poil d'une main, spatule de l'autre. Elle fait un écart. Sans doute a-t-elle eu peur que je laisse tomber le pancake tout chaud sur ses genoux. D'une main, elle effleure le bas de son ventre. Rassure-toi, c'est juste pour Paris. Avec tout ce qu'on s'est promis de faire, on risque de n'avoir besoin. Pour l'instant, il faut que ça refroidisse. J'ai vraiment l'impression d'avoir une centrale nucléaire entre les cuisses. Et je me demande comment je vais faire pour marcher normalement. Je dépose le pancake dans son assiette. Ouf. J'ai cru un instant que tu aies pris goût au point d'en faire ton quotidien. Parce que moi, je déclare forfait. Je crois que je vais avoir les mêmes problèmes que toi pour marcher. Elle lève la tête. Ses yeux sont un océan de tendresse. Tu déclares aussi forfait pour les bisous. J'ai juste la présence d'esprit de mettre le deuxième pancake dans mon assiette. Je ne sais pas de quoi je dois avoir l'air, penché sur elle, à lui manger la bouche, la poêle d'une main, la spatule de l'autre. Nous réussissons tout de même à finir notre petit déjeuner, avant qu'il ne soit totalement froid. Et la dernière bouchée avalée, tandis que je débarrasse sommairement, Nathalie file sous la douche. Lorsqu'elle revient, 15 minutes plus tard, toute pimpante, je nous ai préparé un deuxième café. Sylvie, que nous devons amener au bureau, n'est pas encore là. Nous avons encore le temps. Elle s'attable à côté de moi et remarque tout de suite que je détaille sa coiffure, son maquillage et ses vêtements. Je jette même un coup d'œil discret au Santiago qu'il semble avoir retrouvé avec plaisir. Quelque chose qui ne va pas dans ma tenue? C'est juste une journée bureau aujourd'hui. Non, non, tout va bien. Je viens seulement de remarquer que chaque jour qui passe, tu as davantage l'air d'une fille de la brousse et que moi je ressemble de plus en plus à un touriste. Sans doute le principe des vases communicants. Elle a manifestement envie de rire. Seule la gorgée de café qu'elle est en train de boire la retient. Elle repose sa tasse, les yeux rieurs. Merci pour le liquide de la brousse. Quant aux vases communicants, je trouve l'analogie parfaite. En matière d'échange de fluides, nous avons beaucoup communiqué ces dernières heures. Elle attend ma réaction, m'observe la tête inclinée sur le côté, le regard plein de malice. Et puis, sans transition, comme un nuage sur la lande irlandaise, une ombre passe dans ses grands yeux bleus. Je me penche vers elle, inquiet. Quelque chose ne va pas. Elle pousse un gros soupir. Je viens de réaliser que c'était notre dernier week-end au Tchad. De ce que tu m'en as dit, le Cameroun est beaucoup moins drôle. Ça, je te l'accorde, et surtout les Camerounais. Mais nous n'y restons que 2 jours. Une gorgée de café, Nathalie regarde sa montre. Nous avons encore 10 minutes avant que Sylvie n'arrive. Peux-tu me rafraîchir la mémoire sur notre agenda? Je rapproche un peu ma chaise et lui prends la main. C'est extraordinaire ce besoin permanent que j'ai de la toucher. Son seul contact est le pouvoir de m'apaiser, de me protéger de tout ce qui pourrait me faire du mal. Avec elle, dans la bulle d'amour où je me blottis, je me sens invulnérable. Avec elle, rien ne peut m'atteindre. Bien. Dans l'ordre, ce soir, c'est la soirée corvée. Dîner officiel avec François, chez le directeur d'exploitation. Une soirée qui promet d'être mortelle. Je ne sais si c'est l'expression que j'emploie pour qualifier la soirée ou la tête que je fais qui amuse Nathalie. Elle caresse ma main, comme pour me rassurer. Ne sois pas inquiet pour moi. Je crois que j'ai connu pire à Paris. Un dîner chez l'ambassadeur avec un de ses amis du congrès qui de plus avait entrepris de me draguer. Après un tel cauchemar, je crois que je pourrais survivre à ce dîner. J'espère seulement que la suite sera plus drôle. Je lui fais un petit clin d'œil. Je confirme. Samedi et dimanche, buffet, piscine. Pour les dîners, samedi soir, chez les Astiers, avec toute l'équipe des Sugar Rocks. François est aussi invité. Et ensuite, dimanche, chez les deux Valois. Rien que nous quatre. À cette dernière annonce, le visage de Nathalie s'illumine. Je sais que dès le début, elle a eu un gros coup de cœur pour ce couple si attachant. Et tout spécialement pour Sylvie, avec laquelle elle a partagé tant d'émotions et tant d'équations. Justement, un léger toc-toc contre la baie vitrée de la terrasse. C'est Sylvie. Nathalie se lève et va ouvrir. Le sourire qu'échangent les deux femmes en dit long sur la relation particulière qu'elles ont développée en 2 semaines. Parce qu'après le sourire, ce sont des bisous qui finissent en un gros câlin. Sylvie vient vers moi, m'embrasse. Elle rayonne. En un flash, je revois notre première rencontre il y a moins de 2 semaines. La Sylvie gaie, comme un pinson qui me claque 2 gros bisous sonores sur les joues, n'a plus rien à voir avec la triste jeune femme en blouse blanche qui nous accueillait dans son labo. Les yeux plissés, avec une moue coquine, elle me dévisage ostensiblement. « Tu as l'air épuisé, Jean. Tu travailles trop. Il faudrait penser à te ménager. » Le sérieux du ton et du propos est démenti par l'ironie et la malice qui pétillent dans ses yeux. Nathalie se sont bien trouvées, deux vraies sœurs jumelles. M'abandonnant à mon triste sort d'homme surmené, elle vole sur ses ballerines, prend Nat par la main et l'entraîne sur la terrasse vers le patrol. Tant pour moi que pour Nathalie, la journée est très studieuse et le soir, alors que nous préparons dans la salle de bain, elle ne cache pas sa satisfaction. Je suis tellement contente, je n'y croyais plus. Non seulement tous les relevés ont été faits, mais en plus les calculs ont été tous vérifiés, donc validés. Et tout ça, on le doit à Sylvie. Sans elle, on n'y serait jamais arrivé. Non seulement c'est une fille adorable, mais en plus elle est brillante, vraiment extraordinairement douée. Si nous avons été si vite, c'est parce qu'elle a assimilé en 2 jours les bases du géomagnétisme et qu'elle a donc pu nous proposer les bonnes mises en équation. Elle ajoute en brossant sa crinière d'or. Elle m'a parlé de son futur job à Sophie Antipolis. C'est vraiment du gaspillage. Elle est largement au-dessus de ça, et de plus elle parle parfaitement l'anglais. La NASA lui ferait un pont d'or. Un bisou très doux et elle entreprend de passer sa robe. Je l'aide à la refermer pour constater qu'elle n'a pas mis de soutien-gorge. J'en connais qui vont jaser et répandre la nouvelle dans toute la cité. Les distractions sont tellement rares pour les mauvaises langues. Le dernier bouton de ma chemise me fait des misères. Me voyant en difficulté, Nathalie vient à mon secours. J'en profite pour lui faire observer. Pour ce qui est de ton projet de recrutement, Bertrand, lui, ne serait sans doute pas pris à la NASA. Ça m'étonnerait. Ça t'étonnerait, pourquoi ? Ses yeux pétillent, elle me caresse la joue en me grattant la barbe du bout des doigts, et j'ai droit à un bisou avant qu'il ne dégaine son tube rouge à lèvres. Ça m'étonnerait parce que je viens d'apprendre que Bertrand a je ne sais combien de diplômes en hydrophonie. Si la NASA installe un jour une base sur la Lune, il faudra bien qu'il mange autre chose que des plats lyophilisés. Elle voit bien que son enthousiasme m'inquiète un peu. Rassure-toi, je ne vais pas les harceler avec ça. C'est parce que je les aime beaucoup tous les deux et... Elle fait une moue de dépit, ferme les yeux. Lorsqu'elle les ouvre, il y a comme un voile de tristesse sur son beau regard. J'attends la suite de ce qu'elle allait dire. Et je suis certaine d'être triste dimanche soir en les quittant. Alors en attendant, allons nous amuser. Elle me prend par la main et m'entraîne vers la porte. S'il y a une chose dont je suis sûr pour ce soir, c'est bien que nous n'allons pas vraiment nous amuser. Comme prévu, le dîner chez le DE est d'un ennui mortel. Les deux harpies rivalisent de talent pour glacer l'ambiance. Au regard qu'elle lance sur le décolleté pourtant très convenable de Nathalie, il est manifeste qu'elle n'apprécie pas vraiment. Ceux qui ne gâtent rien, leurs questions pleines de fiel et leurs sous-entendus sur l'Amérique sont clairement destinés à la blesser. Nathalie est impressionnante. À chaque pic au vitriol, elle répond avec le sourire et dans un langage diplomatique qu'elle maîtrise parfaitement. De l'apéritif au début du repas, cette joute à fleur et mouchetée s'achève avec les entrées par une défaite en race campagne des jumelles de la bêtise et de la méchanceté. Pas un instant Nathalie ne s'est départie de son sourire. On ne les entendra plus pendant tout le reste de la soirée. Il est clair qu'elles ont eu leur compte. En rentrant à la grande case, je prends Nathalie par la taille, mes yeux dans les siens. Je crois que c'est la première fois que j'assiste au dépeçage d'un gibier vivant. C'était du grand art. Gibier vivant, je ne comprends pas. Je veux dire qu'entre les griffes de ma belle chatte blonde, les souris n'avaient aucune chance. Tu les as dévorées toutes crues, et avec le sourire, tu as été impériale. Je n'ai pas eu à sortir mes griffes, elles se sont engluées toutes seules dans leurs sottises. Avec un peu plus de subtilité, on aurait pu s'épargner tout ça. C'est dommage. Je l'aide à dégrafer sa robe. Je ne trouve pas. Grâce à toi, j'ai pu vérifier une chose importante. Sa robe glisse à ses pieds, elle l'enjambe. En string de dentelle blanche, et sur des talons que je lui vois porter pour la première fois, elle est à couper le souffle, et elle me coupe le souffle au point que je ne sais plus ce que j'allais dire. « Oui, qu'as-tu pu vérifier ?» Son petit sourire en coin me dit qu'elle connaît très bien la raison de mon hésitation. Je récupère péniblement le fil de ma pensée. Non seulement elles sont de mauvaises langues et de mauvaises personnes, mais en plus elles interfèrent sur la marche de la société. Elle retire son string, enfile son grand t-shirt, et de quelle manière ? Qu'il ne fait pas partie de leur cours, ne tarde pas à être mis en quarantaine. Les gens finissent par craquer et démissionnent, et on a dû perdre plusieurs agents de valeur de cette façon, ce qui en dehors du problème moral est préjudiciable pour l'entreprise. Nous nous glissons entre les draps et elle nous ébra autour de mon cou. Raison pour laquelle cette soirée avait comme un parfum de fin de règne. 2 minutes après, blottie contre moi, elle s'endort doucement.